Les meetings de souvenirs du dirigeant Kim Jong-il ont eu lieu au siège du Parti pour la paix et l'unité de Russie, du Parti communiste Les communistes russes, du Comité pour la République des Bouriaties, du Parti communiste de la Fédération de Russie et de l'Association russe d'études des idées du Tse. Les orateurs y ont indiqué que le dirigeant Kim Jong-il est le penseur et théoricien extraordinaire qui a développé les idées du Tse et aussi le grand homme qui a fait une contribution particulière au développement du mouvement socialiste mondial. Lors du meeting tenu à l'Association russe d'études des idées du Tse, on a adopté un message à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.